Ce son, c'est un son introspectif, dédié à tous ceux qui ont perdu leur père. C'est un son pour la perte d'un être cher, pour ce vide engendré par cette perte dans la vie quotidienne, en raison de la perte d'un être cher, en l'occurrence la figure paternelle. C'est pour tous les grands qu'on grandi, les grands, pour tous les grands, pour tous les gens grands, les grands qui ont grandi sans le père qui les a engendrés. C'est pour toi, papa. Papa. Papa. Ouais, introspection. Un son introspectif. Papa. Ouais, c'est un son pour papa. Je vais poser ma voix, poser mes lyrics. Poser mes lyrics. Je sais pas chanter, mais ça c'est pour toi, papa. Ouais, papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Papa. Tu es enterré sous la terre. Ouais, sous la terre, simultanément et dans le ciel. Cette étrange ubiquité de la mort. Elle est où? Elle est où la mort? Elle est où ton âme? Elle se promène. Elle se promène dans le ciel. Tandis que toi, tu es sous la terre. Entouré de taupes. Entouré de taupes qui entourent ta dépouille. Qui se situe autour de ton corps. Autour de toi, des millions de taupes. Des taupes et des phasmes. Des taupes et des phasmes. Des créatures. Des vers de terre rampant. Des lombrics. Des phasmes, des hétérozygantes et des cellules. Des cellules. Des cellules de taupes tout autour de toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Quel est ton message? Je ne t'entends pas, t'es sous la terre. T'es sous la terre et tes propos sont étouffés par les quantités de taupes dans ta bouche. Des taupes, les taupes dans ta bouche. Les vers de terre autour de toi, dans tous tes orifices. Dans tous tes orifices, les vers de terre et les taupes, les taupes, les taupes. Des insectes rampants. Des insectes rampants. Bombe létale pour insectes rampants. Ouais. C'est la solitude. Ouais.